Allons, réponds franchement. dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi oui ou non. Mais je t'en prie, ne me laisse pas dans cet embarras.